Aujourd'hui, auditeurs, auditrices de la radio ACKSA et bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, nous sommes heureux de venir dans le cadre de l'émission qui dit la Bible, chercher à traiter d'un sujet, apparemment un sujet qui vraiment suscite des passions, un sujet d'intérêt général, d'intérêt social, pour lesquels la plupart peuvent chercher à se défendre selon l'entendement humain, mais nous, en tant que fils du royaume, fils et filles du royaume, nous allons chercher à répondre à la préoccupation de ces sujets selon le passage biblique, selon ce que dit la Bible. Alors, le sujet de notre thème d'aujourd'hui, que dit la Bible sur l'avortement? La Bible n'a jamais spécifiquement traité du sujet de l'avortement. Toutefois, il y a de nombreux enseignements dans les Écritures qui démontrent clairement quelle est la vue de Dieu au sujet de l'avortement. Quand nous lisons dans Jérémie 1, chapitre 1, verset 5, nous dit ceci, que Dieu nous connaît avant même qu'il ne nous tisse dans les seins de notre mère. Quand nous lisons dans le psaume 139, versets 13 à 16, nous avons la part active de Dieu dans notre création et la formation intra-utérine. Exode 21, versets 22 à 25, prescrit la même peine pour quiconque cause la mort d'un bébé dans le sein de sa mère, que pour celui qui commet un meurtre. C'est le même comportement qu'on va afficher à celui qui commet l'avortement. C'est comme un meurtrier. Alors, c'est une indication claire que Dieu considère un bébé dans le sein de sa mère tout autant qu'un être humain adulte. Pour un chrétien, l'avortement n'est pas un droit de choisir de la femme. C'est une question de vie ou de mort d'un être humain créé à l'image des dieux. Nous avons pour référence biblique Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, et puis Genèse chapitre 9, verset 6. Bien-aimés, le premier argument qui est toujours mentionné contre la position des chrétiens sur l'avortement est que faire dans les cas de viol et d'inceste? Aussi atroce qu'une grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste puisse être, en tout cas, la réponse est, quelle que soit la raison qu'on peut avancer, nous commettons un meurtre d'un bébé. Deux torts ne font pas une bonne action. L'enfant qui est né d'un viol ou d'un inceste, peut être donné en adoption à une famille aimante qui ne peut concevoir d'enfant, et l'enfant peut être élevé par sa mère de nouveau. Alors, l'enfant ne devra pas être puni pour les mauvaises actions de son père. D'où, quand nous nous référons à la Bible, comme le dit notre émission qui dit la Bible sur l'avortement, le second argument qui est toujours mentionné contre la position des chrétiens sur l'avortement est que faire si la santé de la maman est en danger? En toute honnêteté, c'est la question la plus difficile à résoudre à propos de l'avortement. Premièrement, souvenons-nous que cette situation couvre moins d'un dixième des avortements pratiqués aujourd'hui dans le monde. Bien plus de femmes se font avorter pour ne pas endommager leur corps, plutôt que pour sauver leur vie. De plus, souvenons-nous que Dieu est un Dieu de miracles. Il peut préserver la vie de la mère et de l'enfant, malgré les pronostics des médecins. En fin de compte, cette question ne peut être résolue qu'entre le mari, la femme et Dieu. Tout couple confronté à cette situation extrêmement difficile devra prier le Seigneur pour recevoir la sagesse. En nous référant à la Bible, dans Jacques chapitre 1, verset 5, pour savoir ce qu'il faudrait qu'il fasse, donc chaque couple doit se référer à Dieu. 94% des avortements pratiqués dans le monde aujourd'hui le sont pour des raisons autres que la santé de la mère. La grande majorité des cas peut être qualifiée comme une femme et où son partenaire décide qu'il ne veut pas du bébé qu'ils ont conçu. C'est là le plus grand de tous les maux. Même dans les 6% des cas difficiles, l'avortement ne devrait jamais être la première option. La vie d'un être humain dans l'utérus vaut tous les efforts pour permettre une naissance normale à terme. Pour ceux qui ont eu recours à un avortement, le péché d'avortement n'est pas moins pardonnable que les autres péchés. Par la foi en Christ, tout et n'importe quel péché peut être pardonné. Jean chapitre 3, verset 16. Romains chapitre 8, verset 1. Colossiens chapitre 1, verset 14. Donc, une femme qui a un avortement, un homme qui a encouragé un avortement, et même le docteur qui a pratiqué un avortement, tous peuvent être pardonnés par la foi en Jésus-Christ. Nous allons revenir, rester penchés sur la radio ACK SA, la fréquence divine. Que Dieu vous bénisse.